Appelle-moi l'architecte, je suis authentique et impec. Tu veux fumer sur mon stick, allume ton pacemaker. Catégorique, sage type que les mes bassmakers. Appelle-moi humaniste, je n'ai connu qu'une actrice à déconner sur la fin de l'acte triste. Aussi par la liste des personnes à qui j'ai aidé à gérer la crise. Appelle-moi nostalgique, du temps où on est gosse, mais l'innocence part vite. Appelle-moi rebelle, parce que devant ma rebie, je recèle d'idées pour sortir du sol. La solidarité, malgré les regards solidifiés, appelle-moi la page. Le MC à la page, je viens déterrer la hache. Un guerrier sans attache, pour me tirer de ce merdier, les mains dans les poches. Appelle-moi philosophique, car mon sauce s'infiltre dans tes oreilles comme une fibroscopie. Par cette bohème remplie d'atrophie, sans trophée et peu de profit, jusqu'à décrire que j'en suis étouffé. Appelle-moi voyageur car j'ai besoin d'une bouffée d'air pur. Retrouver de la verdure, du bonheur et de la vertu. Il ne me reste plus que l'odeur d'une sérénité perdue. Appelle-moi marginal, car mon instinct animal fait parfois que j'agis mal, ou que je n'imagine pas finir dans ce cas-là, à errer dans cette atmosphère décalée. Appelle-moi poète, car mes lyrics sont aussi destructeurs que les missiles du poet. J'écris la rage au cœur depuis le collège, inspiré par les vapeurs de mes premiers collages. Appelle-moi sombre, laisse planer le mystère sur mes périodes d'ombre. Adamé, une fois sur six, comme en sursis, comme puis-je dire qu'on veut l'avenir le plus dit, à croiser le fer et le mal ici, jusqu'à vouloir faire mal ensuite. Appelle-moi spectateur, du nombre de manques de respect, je t'assure, je crache pas sur ta sœur, je suis pas vulgaire, sauf si la cassure est un adultère. Appelle-moi philosophique, car mon sauce s'infiltre dans tes oreilles comme une fibroscopie. Par cette bohème remplie d'atrophie, sans trophée et peu de profit, jusqu'à décrire que j'en suis étouffé. Appelle-moi voyageur car j'ai besoin d'une bouffée d'air pur. Retrouver de la verdure, du bonheur et de la vertu. Il ne me reste plus que l'odeur d'une sérénité perdue. Les idées sont en place, que les plus gênés changent de place. Appelle-moi le vengeur masqué et l'homme à la rancœur glacée. Car beaucoup parlent, donc parfois j'aimerais que le coup parte. Mais par choix, je ne me laisse pas juger coupable. Appelle-moi généreux mais maladroit. Ce n'est pas la joie que j'ai générée ou la ziza de Balavoine, mais une zizanie qui me fait peur à voir. Appelle-moi réfléchi, sans arrêt les obstacles prêts à fléchir. Et je fais du rap, ça déchire. Tu veux des sapes ou du shit, on s'appelle ou tu me bip, on s'interpelle, puis on se quitte. Appelle-moi parano, la méchanceté s'attrape par cadeau. Empoisonné, cloisonné, quand on me voit, on me juge, on me noie, on me purge, on me doit, à deux doigts à croire qu'on m'encule. Appelle-moi philosophique, car mon sauce s'infiltre dans tes oreilles comme une fibroscopie. Par cette bohème remplie d'atrophie, sans trophée et peu de profit, jusqu'à décrire que j'en suis étouffé. Appelle-moi voyageur car j'ai besoin d'une bouffée d'air pur. Retrouver de la verdure, du bonheur et de la vertu. Il ne me reste plus que l'odeur d'une sérénité perdue. Seul les faits comptent, et tu seras seul sur le fait quand il sera l'heure de faire les comptes. Dans une probabilité féconde, n'entre pas dans la globalité à faire le compte.